Lévitique chapitre 3. Et si l'offrande de quelqu'un est un sacrifice de prospérité, et qu'il l'offre de gros bétail, soit mâle soit femelle, il l'offrira sans tare, devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête de son offrande, et on l'égorgera à l'entrée du tabernacle d'assignation, et les fils d'Aaron sacrificateurs, répandront le sang sur l'autel alentour. Puis on offrira, du sacrifice de prospérité, une offrande faite par feu à l'Éternel, savoir la graisse qui couvre les entrailles, et toute la graisse qui est sur les entrailles, et les deux rognons avec la graisse qui est sur eux, jusque sur les flancs, et on ôtera la tête qui est sur le foie pour la mettre avec les rognons. Et les fils d'Aaron feront fumer tout cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois qu'on aura mis sur le feu, c'est une offrande faite par feu de bonne odeur à l'Éternel. Que si son offrande est de menu bétail pour le sacrifice de prospérité à l'Éternel, soit mâle soit femelle, il l'offrira sans tare. S'il offre un agneau pour son offrande, il l'offrira devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête de son offrande, et on l'égorgera devant le tabernacle d'assignation, et les fils d'Aaron répandront son sang sur l'autel alentour. Et il offrira du sacrifice de prospérité, une offrande faite par feu à l'Éternel, en ôtant sa graisse, et sa queue entière jusque contre l'échine, avec la graisse qui couvre les entrailles, et toute la graisse qui est sur les entrailles, et les deux rognons avec la graisse qui est sur eux, jusque sur les flancs, et il ôtera la tête qui est sur le foie pour la mettre sur les rognons. Et le sacrificateur fera fumer tout cela sur l'autel, c'est une viande d'offrande faite par feu à l'Éternel. Que si son offrande est entre les chèvres, il l'offrira devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête de son offrande, et on l'égorgera devant le tabernacle d'assignation, et les enfants d'Aaron répandront son sang sur l'autel alentour. Puis il offrira son offrande pour sacrifice fait par feu à l'Éternel, savoir, la graisse qui couvre les entrailles, et toute la graisse qui est sur les entrailles. Et les deux rognons, et la graisse qui est sur eux, jusque sur les flancs, et il ôtera la tête qui est sur le foie pour la mettre sur les rognons. Puis le sacrificateur fera fumer, toutes ces choses-là sur l'autel, c'est une viande d'offrande faite par feu en bonne odeur. Toute graisse appartient à l'Éternel. C'est une ordonnance perpétuelle en vos âges, et dans toutes vos demeures, que vous ne mangerez aucune graisse, ni aucun sang.